إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، الكلام في التوحيد والصفات هذا من أي باب؟ سأقول لك الدومين. الخبر. وكيف يقابل هذا الخبر الخلق؟ بالتصديق أو كذب أو تكذيب. نعم. والكلام في الشرع والقدر. هذا من باب الطلب. كم هو في فصل مكلف؟ إما يطيع ولا يطيع. نعم. إما يطيع وإما يخالف يعصي. صفات الله كيف نثبتها؟ كما ثبت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فقط. كما ثبت الله. أيوة. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسل. فالرسل. كل مساجي سبق محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل والصحابة. نثبت بلا تكييف، يعني on décrit Allah comme il s'est décrit dans son livre, comme l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam et les autres messagers, et on comprend cela comme l'ont compris les sahaba. Non, comme un zakarta, sans takif, sans tamthil, sans tahrif et sans ta'til. Et cela se base sur deux choses. Ma huma? La. يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى على الأسوء الحسنى لا ب دليل أثري والسمعي على أدلة شرعية نصوص وبالعقل على raison. C'est-à-dire, on prend les textes pour savoir comment affirmer d'Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même. Et la raison, celle-ci est une forme de prévention qui nous empêche de dépasser les limites et de nous accorder au texte. Car Asma'ullah wa sifatihi ou Asma'ullah wa sifatuhu, on ne peut apporter le tafsir de nos têtes. On a besoin de savoir qu'on a dit que c'est un khabar, c'est Allah qui nous en informe. On ne peut pas le deviner de nous-mêmes. On ne peut pas le concevoir de nous-mêmes. Donc la raison t'amène à t'arrêter à ce que Allah SWT t'a informé. Tamam? Taïb. Qala al-mu'allifu rahmanahu ta'ala. Faslun. Maintenant, on va prendre le fos qui est le jam entre le nafi et l'isbat dans les sifat. Qala rahmatullah ta'ala alayhi. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه. Le fait de lier entre la négation et l'affirmation dans les sifat, c'est comme cela en réalité que l'on fait l'unification d'Allah سبحانه وتعالى. وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. Car tawhid, c'est le masdar du verbe wahada yuwahidu, qui veut dire unifier une chose, la rendre unique. Donc, on ne peut affirmer cette réalité d'Allah, si ce n'est justement qu'en affirmant des choses et en refusant d'autres. L'iktisar ala nafi al-mahd, ta'til mahd. Ou l'iktisar ala al-izbet mahd, ou al-mahd, la yamna al-musharaka. Le fait de se limiter seulement à la négation, ça va amener à quoi? À la suppression totale. Si on refuse tout, qu'est-ce qui va se passer? On va tout supprimer. Et le fait de tout affirmer, ça va amener à quoi? Ça n'empêchera pas que d'autres puissent être associés à cette affirmation. On a fait pour Allah SWT, rien n'empêche que d'autres puissent l'avoir aussi en dehors de lui. Comme il va l'expliquer le shir. Donc la boud, an nakuna min al amrayn, doit être entre les deux choses. An nafi wa l'ithbat. C'est comme ça qu'on va rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique dans ses noms et attributs. Et même dans l'adoration, c'est le même, procédé. مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. Par exemple, tu diras Zayd n'est pas courageux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as renié cet attribut de Zayd, qui est le courage. Donc, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as supprimé. C'est-à-dire que Zayd n'est pas courageux. Si tu dis Zayd, ma Zayd bishuja, Zayd n'est pas courageux. Là, tu as fait quoi? Un nafi. Thumma qal, wa law qulta Zayd shuja, faqad athbata lahu sifat ash-shaja'a. لكن ذلك لم لا يمنع ان يكون غيره شجاعا ايضا. Maintenant tu dis Zayd il est courageux, tu as affirmé le courage pour Zayd. طيب, est-ce que cela empêche que d'autres, que Zayd soit courageux également? Donc dans le nafi que tu as fait, tu as annulé cette sifa de Zayd qui est shuja'a, tu l'as supprimé, et dans l'autre tu l'as affirmé, d'accord? Mais est-ce que cela unifie Zayd dans le courage? Non. هذا هو قصده. لكن قال ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. Par contre, tu dis qu'il n'y a pas de courageux hormis Zayd. Là, justement, tu auras affirmé sa sifat du courage pour Zayd. Et de l'autre côté, tu auras refusé, tu auras renié le fait que quiconque puisse participer avec lui ou être associé avec lui dans ce courage. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as unifié. À cette parole-là, il n'y a que Zayd qui est courageux. Là, tu l'as unifié dans le courage. Donc, tu as appliqué la négation et l'affirmation comme il se doit. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. On ne peut unifier une chose si ce n'est en reniant et en affirmant. Obligé entre les deux. وأعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال والغالب فيها التفصيل. Et sache que les صفات que Allah SWT a affirmées, les صفات confirmées, celles par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit, elles sont toutes des sifats de perfection. Et la base dans ces sifats, c'est le tafsil, on développe, on détaille. C'est la base dans ces sifats-là, le tafsil. لأن كل ما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال موصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. Car à chaque fois que tu multiplies, Tayyib, en citant ces sifats, tu en rajoutes des nouvelles et des nouvelles et des nouvelles, et que leur preuve également se multiplie par là, également avec, là apparaît encore plus la perfection de ce que tu as décrit, d'une part. Plus les sifats qui sont bonnes, d'accord, plus dans ta vision il sera parfait. Cependant, tu rajouteras des choses sur lui à chaque fois que tu ne connaissais pas. Des choses nouvelles que tu ne savais pas. Des choses nouvelles que tu ne savais pas, ainsi de suite. Tu accumules. D'accord? ولهذا كانت الصفة الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفة المنفية التي نفاها الله عن نفسه. C'est pour cela que les sifats que Allah a affirmées pour lui-même sont plus nombreuses que celles dont il s'est dénué. Il s'est exempt. C'est-à-dire, tu verras plus de tafsil. On va plus se dire que Allah, il est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, avec la sifat qui va avec, plutôt que dire, Allah n'est pas comme ça, et il n'est pas comme ça, et il n'est pas comme ça. Fahim tal fark bainahuma, ce que tu vas affirmer pour Allah, tu vas souvent détailler. Point par point. Sifat par sifat. Et ce que tu vas renier d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pas lui attribuer, tu vas le renier de lui, tu vas le refuser de lui, c'est des choses qui vont venir de façon mujmala. Comment on dirait comme ça? En lot. Il n'y aura pas trop de détails dedans. Comment ça va paraître, Inch'Allah. أما الصفات المنفية التي نفى الله عن نفسه فكلها صفات النقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين. quant au sifat que Allah c'est exemple et s'est refusé à lui-même, elles sont toutes des sifats de manque et de faiblesse. D'accord ? Qui ne lui conviennent pas. Comme, مثلاً, l'incapacité, ou la fatigue, ou l'injustice, ou la comparaison avec la créature. وَالْغَالِبُ فِيهَا الْإِجْمَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغْ فِي تَعْظِيمَ الْمَوْصُوفُ وَأَكْمَلْ فِي التَّنْزِيهِ. Et, contrairement aux sifats thubutiyah qu'on a affirmé, celle-ci, le plus fréquent chez ces sifats-là, al-manfiyya, c'est qu'elles sont citées brièvement et elles sont abrégées. C'est-à-dire, elles sont citées sans tafsil. C'est ça à la base. C'est pas tout le temps, mais en général, elles sont citées sans tafsil. Car cela est encore plus clair dans le ta'zim de celui que tu auras décrit. Et cela le rendra plus parfait et plus exempt de tout défaut. Que tu cites la sifat thubutiyya que tu affirmes pour lui, tu détailles. Telle sifat, telle sifat, telle sifat. Et celle que tu refuses, que tu renies, celle-ci, des fois tu les cites en tafsil, mais la base, d'accord, c'est que tu les refuses de façon brève, abrégée, on va dire, sans faire tafsil. Tu vas avoir avec les amsilat chala, tu vas, ça t'affame. فَإِنَّ تَفْصِيلَهَا لِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَدِي فِي سُخْرِيَّةٍ وَتَنَقُّصْ الْمَوْصُوفْ. Car le fait justement de citer les tafsils dans les sifats que tu refuses, que tu renies, ça fait une forme de moquerie envers la personne que tu décris. قَالَ أَلَا تَرَوْ أَنَّكَ لَوْ مَدَحْتَ مَلِكًا فَقُلْتَ لَهُ أَنْتَ كَرِيمٌ وَشُجَاعٌ مُحَنَّكْ قَوِيُّ الْحُكْمْ قَاهِرْ لِأَعْدَائِكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمَدْحِ لَكَانَ ذَلِكَ أَوْ لَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَكَانَ فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ مَدْحِهِ وَإِظْهَارِ مَحَاسِنِهِ مَا يَجْعَلُهُ مَحْبُوبًا وَمُحْتَرَمًا لِأَنَّكَ فَصَّلْتَ فِي الْإِثْبَاتِ. مثلا si jamais tu viens tafsil, مثلا tu viens pour faire l'éloge d'un roi, un roi, et tu lui dis: tu es noble, tu es courageux, tu es fort dans ton jugement, tu es dominant sur tes ennemis, et autres, parmi toutes les sifats, d'accord, l'éloge. Cela sera, rendra ton éloge envers lui encore plus grande. D'accord? Elle sera encore plus grande, encore plus considérable. Et cela fera encore plus apparaître ses beaux côtés, ses qualités, et cela rendra plus aimé, plus respecté auprès des gens. Car pourquoi? Tu auras fait un tafsil dans l'affirmation. Tout ce que tu affirmes, tu forces seul. Point par point. Telle qualité, telle qualité, telle qualité, ainsi de suite. Donc les gens, ils disent, subhanallah, il a beaucoup de qualité, lui. Il est tout bien. وَلَوْ قُلْتَ أَنْتَ مَلِكَ لَا يُسَامِكَ أَحَدٌ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فِي عَصْرِكَ لَكَنَ ذَلِكَ مَدْحًا بَالِغًا لِأَنَّكَ أَجْمَلْتَ فِي النَّفِي. Et si tu lui disais, par exemple, tu es un roi, tu es inégalé par les autres rois, en cette dunya, en cette époque. Cela sera encore un plus grand éloge. Je sais pas, on dit un éloge ou une éloge, j'ai oublié, féminin, masculin. Un plus grand mad. Pourquoi? Car là, tu auras fait un ijmel, une abréviation dans la négation. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as dit, il n'y a personne qui est comme toi. Donc là, tu as fait une négation par rapport aux autres. Sans faire de tafsil. Parce qu'ils ont ça, ça, ça, ça. Tu n'as pas fait de tafsil. Donc là, tu as fait quoi? Une négation, mujmel. Abrégé. T'as pas cité tout en détail. Donc là, ça rend encore quoi la chose encore plus grande. Tu dis, Foulen, il n'a pas d'égal. C'est pas un madh azim, ça, quand on dit ça à quelqu'un. Foulen, il est sans égal. Il est unique. On parle de la qualité, hein, bien évidemment. Pas dans les défauts. Après, on rend le tafsil. Il dit, l'okulta, enta malik, ghayr bakhil, wala jabban, wala faqir, wala baqal, wala kennas, wala baytar, wala hajjan. وما أشبه ذلك من التفاصيل من التفصيل في النفي العيوب التي لا تليق به لعد ذلك استزاء به وتنقصا لحقه. Par contre, si tu lui disais, ce roi, tu vas le voir, tu lui dis, toi, tu n'es pas avare, tu n'es pas peureux, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas un épicier, tu n'es pas un balayeur, tu n'es pas un vétérinaire, tu n'es pas un hajjam. Hajjam, ceux qui font les hijamas. Tu fais un tafsil en, dans tous les défauts. Il va dire, tu te moques de moi. Dans le sens. Après, il vient faire tafsil sur tous les défauts, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Est-ce que le fait de dire que t'as pas ça, implique le contraire? Pas forcément. Pas forcément. Par exemple, tu dis à quelqu'un, tu te sens pas mauvais. Ça implique pas forcément qu'il sent bon. Ça peut dire, peut-être t'as pas d'odeur. Tout simplement. Est-ce que c'est un éloge? On dit, tu sens pas mauvais. Mais c'est pas un éloge. Si on, par contre, on te dit, toi, tu sens trop bon. T'as une odeur, Allahu Akbar, Allahumma barik. Là, ça va être un éloge que tu fais. Et même tu dis, t'as un parfum trop bon, inégalé. Alors là, c'est le summum dans l'éloge. Rent, summum dans l'éloge. Donc c'est pour cela que, fi haqqillahi ta'ala, le tafsil dans les sifat manfiya, là-bas, c'est qu'il n'y a pas. Elle vient de façon moujmala. Et le tafsil dans les sifat muthbata, là-bas, c'est qu'on est, enfin, tafsil. D'accord? On ne dit pas, Allah, il n'a pas ceci. Allah, il n'a pas cela. Allah n'est pas comme ci. Allah n'est pas comme cela. Ça, ça se fait pas trop. Fahim tel farq bainahuma? وقد يأتي الإجمال على أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقول الله عز وجل في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Mais par contre, il se peut que parfois le contraire s'applique. Que par exemple dans les asma ou dans les sifat al-thubutiyya, c'est qu'on affirme, tu viens qu'un ijmal. Comme قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Que Allah a les plus beaux noms, invoque-le avec. Surat al-A'raf verset 180. Donc là, il a fait un ijmal, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit tous les noms qu'il a. Il a dit quel est le plus beau nom. Quand même, il a fait une parole globale, sans faire le tafsil de détail. Wa qul lillahi fi sifat, wa lillahi al-mathalu al-a'la. Et que Allah a l'exemple le plus haut. Sourate des abeilles, verset 60. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a les meilleurs attributs. Alors là, il est simplement dit, wa lillahi al-mathalu al-a'la. L'exemple, c'est-à-dire le meilleur exemple. Il a fait un tafsil ou un ijmal, là? Ijmal. Taïb. Donc, des fois, ça arrive. L'ijmal peut venir dans le sifat ou l'asma, al-thubutiyya. Tout comme ils veulent dire maintenant. Wa qad yati al-tafsil fi sifat al-manfiyya li asbabin. Et le contraire également. Pour les sifat manfiyya, celles qu'on refuse, on peut venir avec un tafsil. Parfois. Mais il y a une cause. Awalan, نفي ما ادعاه في حقه الكاذب المفتر كقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. Pour quelle cause, مثلا, pour réfuter ce qu'auraient prétendu les menteurs à son rencontre. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le sens? Il dit que Allah n'a pas d'enfant. Il n'y a aucune divinité avec lui. Sourate Al-Mu'minun, verset 91. Pour démentir qui? Ceux qui prétendent que Allah a un enfant. Qui sont-ils? Les Nasara. Ou dire qu'il est une divinité avec lui. Pour démentir également qu'il est Mouchikou, les Nasara. Qui disent le Père, le Saint-Esprit et le Fils, et qui mettent Issa au statut de divinité. Donc là, il les a démentis en disant quoi? Qu'il n'a pas de fils, et qu'il n'y a avec lui aucune divinité. Donc il a fait quoi? Un tafsil, là. Ou, quelle cause également? Daf, tawahum, nox, fikamalihi. Kekou lillahi ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Deuxième cause, pour pouvoir également enlever ce que pourraient s'imaginer les ignorances en l'encontre. Chose qui porte atteinte à sa perfection. Par exemple, dans le sens où Allah dit que nous avons certes créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, en six jours, sans avoir été atteint de fatigue. Car des gens ignorants pour se dire tout ça c'est du travail, ça fatigue. Allah te dit j'ai fait tout cela et je n'ai reçu aucune fatigue. Car la fatigue c'est une sifat de quoi? De nox. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? Il a fait un tafsil. Il a fait un tafsil pour dire que la fatigue ne m'atteint pas. Et dans d'autres versets, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, qui n'est pas atteint par la somnolence ni par le sommeil. Il a fait un tafsil à ce moment-là. قال أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. Maintenant, des exemples de tafsil dans l'isbet, dans l'affirmation, et de l'ijmel, l'abréviation dans le nafi, ce qui est refusé. Al-amsila al-tafsil fi l'isbet kathiratun jiddan. Elles sont très nombreuses. Vous voyez, les amsila sont très nombreuses par rapport au tafsil dans l'isbet. Qul Allahu ta'ala fi surat al-hashr, al-aya 22. Wallahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaib wa shahada. Ila akhir surah. Faqad tadammanat hadhihi al-ayat akthar min 15 isma. Wa kullu ismin minha qad tadammana sifatan aw sifatayn aw akthar. Allah dit quoi dans sourate Al-Hashr, l'Exode, en verset 22, il dit dans le sens, il est Allah celui qui n'y a aucune divinité, qui n'est adoré en dehors de lui, le savant, le connaisseur de l'invisible et de l'apparent. Et à la fin, jusqu'à la fin du verset, il cite plein de ses noms. D'accord ? Plein de ses noms. Il fait un tafsil. Plus de 15 noms. Et chacun de ces noms implique un attribut ou deux attributs ou plus encore. Donc ça, ça s'appelle comment ? Un tafsil. La chose a été développée, détaillée. Wa qul lillahi ta'ala fi surati al-hajj layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa inna allaha la'alimun halim ila qawlihi inna allaha bin-nasi ra'ufur rahim fa hadhihi sab' ayatin mutalawiyat khatamat kull ayatin minha bi ismayn min asma'illahi 'azza wa jalla wa kullu ismin minha yatadhammanu aw mutadamminu sifatin aw sifatayn aw akthar. Ou également dans Sourate Al-Hajj, verset 59, qu'il dit qu'il le fera rentrer d'une façon qu'ils agréeront. Et là, le shahid, est certes Allah est omniscient et halim. Halim, ça a été traduit par yani sagesse. Halim, c'est également traduit pour la créature, bimana tolérant. Jusqu'à ce qu'ils disent, subhanahu wa ta'ala, dans le sens. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux envers les gens. Donc là, ça fait 7 versets qui viennent d'affilée. Et chaque verset a été clôturé par deux noms, parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et chacun de ces noms, lui-même, englobe une sifat, ou deux, ou plus. Donc là, c'est des amthila dans le tafsil fil ithbat. Tamam, tafsil dans l'affirmation des noms, ou attributs. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء سورة شورى مثلا parmi les exemples de ijmal dans le nafi qui ne cite pas de détails, il dit dans le sens qu'il n'y a rien qui est comme lui فقط sans tafsil, sans lui-même, ça suffit à renier toute chose qui pourrait faire que la créature soit comparée à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surat, souvent ce verset-là, c'est un verset, on va dire, c'est une corrida majeure dans l'asma wa sifat. Ce verset-là, il vient très souvent, et c'est une base chez les gens de la sunna. C'est un osl, c'est un fondement. Dans surat, la consultation, verset 11. « Wa qullahu ta'ala, hel ta'alamu lahu samiyya » Est-ce que tu le connais ? Un homonyme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un nom comme lui. Surat Maryam, verset 65. Wa qulu ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Également, qui n'a pas d'égal. Surat Al-Ikhlas, verset 4. Donc là, ce sont des quelques amthila dans lesquels il y a un tafsil dans l'isbat et un ijmal dans le nafi. Et ça, c'est la base. On a dit quoi ? La base dans le isbat, c'est quoi ? Tafsil. Pourquoi ? Car tu apprends des choses nouvelles à chaque fois. Et dans le nafi, c'est quoi la base ? L'ijmal. Car ça fait quoi plus de ta'zim dans le madh, dans l'éloge que tu fais envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de faire un tafsil, c'est une forme de rabaissement et de dénigrement. Naam. Qala faslun. Là, le fas qu'il va citer, c'est pour dire que les sifat n'impliquent pas forcément une comparaison avec la création. D'accord ? Pour ce qu'il va dire par la suite, comme ben. Qala wa'alam anna l'ishtirak fil asma'i wa sifat يستلزم تماثيل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع وعقل والحس. Donc sache que le fait que des noms et des sifat soient communs, c'est-à-dire présents chez la créature, chez le créateur, cela n'implique pas la comparaison et la ressemblance. Et même dans les créatures entre elles. Même les créatures entre elles. Comme le prouvent les textes, la raison et le constat. Le hiss, on explique, c'est quand on dit le constat, par l'essence. Amma sam, فقد قال الله تعالى عن نفسه إن الله نعما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Parmi les preuves de sam', c'est-à-dire légiférer, dans le sens où Allah dit que certes Allah donne bonne exhortation et certes Allah est parfaitement audient et clairvoyant. Donc là il a dit quoi? Sami' basir li nafsihi. وقال على الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Après qu'il ait créé l'homme, il dit quoi à la fin du verset? Nous avons rendu l'homme سميعا بصيرا, qu'il entend et qu'il voit. والنفي أن يكون السميع كالبصير. عفوا. والنفي أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير. فقال ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير. Donc le fait qu'il ait dit que l'être humain est samia ne veut pas dire qu'il est samia comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit qu'il est basir, ne veut pas dire qu'il est basir comme Allah subhanahu wa ta'ala كذلك. Car il a dit quoi? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. كذلك واثبت لنفسه علمه وللانسان علمه فقال عن نفسه علم الله انكم ستذكرونهن. Donc Allah s'est attribué à quoi? Le savoir, la science, l'ilm. Il attribue également à l'insan le ilm. Allah, il a dit dans le sens qu'Allah a su que vous allez certes les évoquer, c'est-à-dire les femmes qui sont en période de idda, vous vont vous marier avec elles par la suite. Allah, il sait. Surat al-Baqara, verset 235. Et il a dit à propos de l'homme, « Fa inna alimtumu hunna mu'minat, fa la tarji'u hunna ilal kuffar. » Il dit que si jamais vous les avez su, c'est-à-dire « alimtumu hunna » من العلم ذي سيكس فاملاكس وفنوم وهجرات ولي رنوايي با او كفار دونك لا ديكوا ان علمتموهن الى تخيب العلم الوم سوره لي بروفي فيرس 10 وليس علم الانسان كعلم الله تعالى فقد قال الله عن علمه وسع كل شيء علما que la science d'Allah n'est pas comme celle de l'homme. Il a dit quoi Allah dans le sens que sa science a sané toute chose. Sourate Taha verset 98. وقال للإنسان أو بل قال لنفسه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Qu'il a dit également à son sujet, subhanahu wa ta'ala, que certes, rien n'échappe à Allah dans les cieux et dans la terre. C'est-à-dire que sa science englobe toute chose. Surat Al-Imran, verset 5. Et il a dit quoi à propos de l'homme? وَمَا أُوتِيتُم مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Cependant, vous n'avez reçu que peu de science. C'est-à-dire que le ilm de l'homme, il est affirmé, il est présent, il est qalil. Donc maintenant, est-ce qu'on va dire que le ilm est présent chez l'homme et chez Allah subhanahu wa ta'ala sont les mêmes? Là. Donc ça, ce sont parmi les adillah, les sam'iyyah, les légiférés. Amma l'aql, fa min al-ma'loum bil-aql anna al-ma'ani wal-awsaf tatakayyid wa tatamayyiz bihasb ma tudaf ilayhi. Qu'il est connu que, par la raison, que les sens, les descriptifs, se conditionne et se distingue par rapport à ce à quoi tu les attribues. C'est à quoi tu les apparentes. Fa kama an al-ashya mukhtalifatun fi zawatiha fa innaha kadhalika mukhtalifatun fi sifatiha wa fi al-ma'ani al-mudafati ilayha. Tout comme les choses en elles-mêmes sont différentes dans leur essence, donc leurs attributs seront différents également. Telle chose différente de telle chose. Vous voyez, tel attribut attribue à telle chose différera du même attribut attribue à une chose différente. فإن صفات كل موصوف تناسبه لا يفهم منها وما يكسر عن موصفها أو يتجاوزه ولهذا تصف الإنسان باللين والحديد والحديد المنصهر باللين ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. Et également مثلا donne l'exemple que اللين, ce qu'on va appeler ça comme étant la maniabilité que l'être humain il en a. Le layin. Et également le fer fondu, le métal fondu, le layin. Est-ce que les deux maniabilités sont pareilles? Est-ce que l'homme est maniable comme serait le fer fondu, le métal fondu? Abadan. Pourquoi? Parce que l'homme est une chose et le fer est une autre chose. Et pourtant, le layin a été attribué aux deux. Ça, c'est par rapport au aql. Amma al-his, par rapport au constat. فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة وللبعوضة جسما وقدما وقوة ونعلم الفرق بين الجسميهما وقدميهما وقوتيهما. On voit maintenant l'éléphant. L'éléphant, il a un corps, il a une force, il a une apparence. Et le moustique, il a un corps, il a une force. Est-ce que les deux sont comparables? Est-ce que le corps du moustique est comme le corps de l'éléphant? Est-ce que la force du moustique est comme la force de l'éléphant? Là. Et pourtant, le nom est pareil. Kouwahuna wa kouwahuna. Jismuna wa jismuna. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى. Maintenant, si on voit que l'ishtirak, ça veut dire le fait que on trouve une similitude dans la nomination et dans le descriptif chez différentes créatures, que cela n'implique pas forcément que ces nominations ou ces qualités, on va dire, ces descriptifs sont les mêmes dans leur réalité, alors le fait de renier cette implication envers le créateur et la créature doit se faire à plus forte raison. Tu n'arrives pas à comparer un moustique et un éléphant, comment vas-tu te permettre de comparer Allah et l'homme, mathalan? Ça, c'est encore plus évident. بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. Il dira, voire même on dira que le fait de comparer le créateur à la créature, cela est une chose qui est impossible, inacceptable. Vous voyez, totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Donc là, le force qu'on a pris aujourd'hui, c'est dans un nafi ou isbat. Que pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala, on est obligé de faire un nafi ou isbat dans ce sifat. Affirmer une sifat et la renier d'autrui. Comme ça, on l'a unifié dans le temps. D'accord? Après, on a dit, mathalan, que sifat, pour ceux qui sont affirmés, thubutiya, le asl fiha mahu at-tafsil, en détail. Et sifat manfiya, ceux qui sont reniés, le asl fiha mahu al-ijmal. Elles sont abrégées, elles sont citées comme ça en lot, sans détail. Et on a dit quoi? Également, que le fait qu'il y ait une conformité entre les noms ou les descriptifs entre les choses n'implique pas forcément une ressemblance par rapport à ces noms et ces descriptifs. Donc si c'était le cas pour la créature entre elles, qu'en est-il du créateur et de la créature? Hada wa dasuna al-yum. Mafhouma hada? Fa ila huna wa alhamdu rabbil alamin.